En Corée du Sud, le journal Une Nation et Kim Yang-simun et le journal d'internet La Voix du Peuple ont véhiculé le 28 novembre des éditoriaux revendiquant la démission de soi-même de Bakouni, tout comme l'ordre du rassemblement à la bougie de 2 millions de personnes tenu le 26 dernier. Les 25 et 28 novembre, la radio KBS a fait part de la crise extrême de Bakouni et souligné qu'à la suite de la décision de l'opposition de proposer le 30 une motion de projet de la mise en cause de la présidente, le groupe pour mise en cause au sein du Parti pour un nouveau monde resserre la solidarité avec des partis de l'opposition. Par ailleurs, selon le journal d'internet sud-coréen Tongnews, l'action de la population extraordinaire pour la démission du pouvoir de Bakouni a publié le 28 novembre des données d'information accusant le refus de l'enquête par Bakouni tout de suite après qu'elle a éclairci sa position de ne pas accepter une enquête tête-à-tête du parquet.